Un peu plus fort. Shangilia Bwana. Salut deux personnes et dis Vaya Hero courage. Salimu watu wawili na mwambie Suja pongera. Dis, la marche continue. Safari inaendelea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui, je passe le 27e jour de notre combat. Et franchement, vous êtes des héros. Kamuko, vous pouvez vous acclamer vous-même pour avoir tenu jusqu'ici. Fatigué, mais poursuivant toujours. Nachoka, lakini munaendelea. Et nous irons jusqu'à la victoire finale. Tutakwenda mpaka kumalizisha vita. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce matin, ces après-midi. Tunashukuru Mungu tena kwa mchana wa leo. Nous sommes bénis. Tumebarikiwa zaidi. Par cette saison que Dieu a ouverte pour nous. Kwa majira haya ambayo Mungu amefungua kwa ajili yetu. Où nous marchons dans les succès de Dieu. Ambamo tunatembea katika ushindi. Nous apprenons sur les victoires. Tunajifunza juu ya ushindi. Et nous sommes engagés dans les réussites. Na tuko katika safari ya kushinda. Mais gloire au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà remporté ses victoires. Utukufu kwa Mungu maana kuna yule ameshinda tayari. Et nous marchons seulement derrière lui pour ramasser le butin. Na tunatembea nyuma yake kwa kukamata. Il a déjà tout remporté. Yeye amemaliza vita yote. Et nous sommes derrière lui pour remporter le butin. Sisi ni nyuma yake kwa kuchukua. Parce que la guerre est déjà finie. Maana vita imekwisha. Dis à la personne à côté, la guerre est finie. Ambiele karibu nawe. C'est la saison de victoire. C'est la saison de butin. Il faut seulement avancer et ramasser votre butin. On peut acclamer le Seigneur pour ses bienfaisances. Alléluia. Amen. Hier, nous avons introduit notre sous-thème mada yetu ndogo, et nous parlions de la transformation tulikuwa naongelea kubadilishwa aux victoires éternelles kwa ajili ya ushindi za milele. Nous avons certes des victoires. Hakika tuna maushindi. Il est vrai que nous avons eu des succès. Hakika tumefikilia kushinda. Il est vrai que nous allons avoir aussi d'autres succès. Ni kweli kuna zingine ushindi tutapata mbeleni. Mais les succès diffèrent. Ushindi zinapishana. Il y a des réussites que nous pouvons considérer comme des exploits. Ambazo inaonekana kama vile mambo makubwa. Nous avons fait dans un environnement donné. Ulifanya katika mazingara fulani. Des choses qui ont été reconnues par nos pères. Mambo ambao baba zako wametambua. Des gens qui sont avec nous. Watu walio pamoja nasi. Ont estimé que nous sommes des victorieux. Wamesema hakika hawa ni mabingwa. Et ils peuvent dire tu es le meilleur. Wanaweza kusema wewe ni mshindi. Mais peut-être ça va s'arrêter seulement à ces gens-là. Inaweza ku mais il y a d'autres victoires qui doivent percer les limites, les limites géographiques, les limites du temps, jusqu'à être des victoires éternelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la Bible. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont remporté des victoires, des victoires qui traversent le temps, des victoires qui traversent l'espace, les victoires qui ont dépassé leur génération. Et aujourd'hui nous en parlons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et hier j'étais en train de parler de l'importance de la transformation. Nous avons besoin de la transformation. Et lorsque nous avons lu dans Exode chapitre 7, le premier verset, Dieu était en train de parler à Moïse. Il lui a donné une mission. Alimupa kazi. Il l'a appelé. Alimuita. Il était un simple berger. Alikuwa mwenye kuchunga nyama. Un prince déchu. Alikuwa mfalme mais qui recherchait encore sa vie. Alikuwa natafuta maisha. Un moment il avait perdu espoir. Muda fulani alipoteza matumaini. Il a commencé à se réconcilier avec la nature. Alianza kuungana na uumbaji. Parce qu'il disait, maana alikuwa akisema, c'est fini pour moi. Miangu mimekwisha. J'ai rêvé un jour être roi. Nilitarajia kuwa mfalme. Mais c'est fini. Lakini imekwisha. Maintenant je dois être humble. Sasa inabidi ni nyenyekee devant mon beau-père. Mbele ya baba mukwe. Parce que finalement ma destinée, sababu kesho yangu, dépend de cette relation. Inatokana na uhusiano. Et Dieu l'appelle. Na Mungu anamuita. Découragé. Akivunjika moyo. Déçu. Amevunjika kweli moyo. Et il l'amène. Na namubeba. Et lui dit, tu vois, je vais te donner une nouvelle mission. Anamwambia nitakupa kazi mpya. Et cette mission c'est de libérer. Na kazi hiyo ni kufungua. Libérer. Kufungua. Libérer. Kufungua. Mon peuple. Taifa lango. Libérer. Fungua. Mon peuple. Taifa lango. Des mains de Pharaon. Kutoka mikono ya Farao. Parce que le cri est monté jusqu'à moi. Maana kilio chao chimenifikia. Hallelujah. Amen. Dis à la personne à côté, tu as une mission de libération. Ambia jirani una jukumu. Tu as une mission de libération. Ya kufungua. Pas la libération de ta petite famille, mais la libération d'une nation. Apana tu kufungua jamaa yako lakini kufungua. Dis à la personne à côté, tu as une mission de libération. Una jukumu la kufungua. Pas la libération de ta famille, mais la libération d'une nation. Apana kufungua jamaa lakini taifa nzima. Alléluia. Amen. Et cet homme qui n'avait plus un cœur attaché au combat, na huyo mtu ambaye alikuwa ana moyo wa kupambana vita, il était en train de rechercher la paix avec tous. Alitafuta amani na watu wote. De ceux-là qui vont devenir ses contemporains. Kwa wale wote anaoishi na wao. Et il était beau vraiment avec le bon père. Na aliishi vizuri na baba mkwe wake. Jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Mpaka jinsi Mungu anamuita. Et il lui dit, na anamwambia, voici la nouvelle mission. Et Dieu constate dans le cœur de cet homme une peur. Il dit, tu sais, je ne sais pas parler. Anasema sijue kuongea. Je bégaye. Ninakuwa nikishita. Je ne suis pas éloquent. Siongei vizuri. Je ne saurais pas parler. Sitaweza kuongea. Ah, Moïse, ça c'est la peur. Musa ini woga. C'est la peur. Woga. Tu ne sais pas parler. Aujui kuongea. Tu voulais être roi alors que tu sais que tu ne sais pas parler. Ulitaji kuwa mfalme japokuwa aujui kuongea. Vous savez, devant la peur, on peut avoir beaucoup d'attitudes. Mbele ya woga mtu anakuwa na hali mbalimbali. Il a vu que j'ai des faiblesses. Na aliona kama nina madhaifu. Je ne suis pas capable. Sina uwezo. Et il a dit à Moïse, na kamwambia Musa, je ferai de toi un dieu. Nitakufanya uwe Mungu. Je comprends tes faiblesses. Naelewa madhaifu yako. Je comprends ta nature. Naelewa hali yako. Je comprends que tu ne peux pas le faire seul. Naelewa mwenyewe hauwezi kuyafanya. Je comprends que tu as peur. Naelewa kama una woga. Je veux te donner ma nature. Nitakupa hali yangu. Je ferai de toi un dieu. Nitakufanya uwe Mungu. Je ferai de toi un dieu. Nitafanya wewe uwe Mungu. Je vais te communiquer ma race. Nitakupa utu wangu. Je vais te communiquer ma nature. Nitakupa utu wangu. Lorsque tu parleras devant Pharaon, utakapongea mbele za Farao, il s'agira pas de toi, si wewe, mais il s'agira d'un homme qui a un Dieu en lui. Ta bouche sera la bouche de Dieu. Tes mains seront les mains de Dieu. Ton bâton sera le bâton d'un Dieu. Tout ce que tu feras sera provenu d'un Dieu. Parce que tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu seras un homme surnaturel. Et tout ce que tu feras aura la marque d'un Dieu. Itakuwa na utu wa Mungu. Cinq raisons pour lesquelles nous avons besoin de la transformation sababu tatu zinazofanya kwamba tuhitaji et de nous élever dans la dimension de Dieu. Na kupanda katika kiwango cha Mungu. Cinq raisons. Kuna sababu tano. Cinq raisons. Sababu tano. Pourquoi nous voulons vraiment la transformation. Kwa nini tunahitaji kubadilika? Pourquoi nous avons besoin de cette transformation? Kwa nini tunahitaji mabadiliko? Pourquoi nous devons accepter le processus de Dieu? Kwa nini hatubidi kukubali? Nous avons lu dans Jean chapitre 12, Yohana 12, 23 à 24 hier, 23, où Jésus a été en train de dire, ambapo Yesu anasema, si les grains ne tombent dans la terre, kama mbegu haianguke kwenye udongo, et ne meurent, na ikufe, il ne produira pas plus. Haitazaa matunda zaidi. La multiplication kuzidishwa passe inapita par la transformation. Kwa njia ya kubadilika. L'impact en termes de multiplication ushawishi passe par la transformation. Unapita kwa njia ya mabadiliko. C'est vrai, il y a des transformations imposées. Kuna mabadiliko ambayo la nature elle-même nous transforme. Hali mazingara inatubadilisha. Dis-moi physiquement. Kwa kimwili. Celui qui a 10 ans, il est différent de celui qui a 35 ans et celui qui a 50 ans. La nature nous transforme. Mais c'est vrai, cette transformation n'a pas un objectif que nous produisions plus. Mais je vais parler de 5 raisons par rapport aux objectifs de Dieu dans notre vie. Pourquoi nous avons besoin de la transformation. La première raison, c'est que le monde est exigeant. Nous parlons de réussite. Le monde dans lequel nous sommes, il est exigeant. Le monde est exigeant pour reconnaître nos victoires, pour reconnaître que nous avons un Dieu, pour reconnaître que nous pouvons changer les choses, pour reconnaître que nous avons droit à notre héritage. Le monde est exigeant. David a déjà l'onction. Il est déjà béni à famille. Mais il ne peut pas accéder au trône s'il n'a pas amené la tête et l'épée de Goliath. On exige à cet homme, amène l'épée et la tête et tu auras le trône. L'onction ne suffit pas. Avoir l'onction ne suffit pas. Rencontrer le prophète ne suffit pas. Tu dois remporter une bataille pour que ton onction soit mise à jour, pour que ton onction ait la place. Il y a un homme qui s'appelle Goliath. Cet homme a terrassé plusieurs hommes et femmes. Il a fait la peur, la terreur. Amène-nous sa tête. Si tu nous amènes ta tête, les femmes vont chanter pour toi et le roi va te donner sa tunique parce que tu as le courage de l'affronter. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des combats que nous ne pouvons pas remporter dans la dimension ordinaire de la vie parce que nous n'aurons pas le cœur pour affronter. Nous n'aurons pas la force pour affronter. Nous serons fatigués pour avancer. Nous avons besoin d'une transformation intérieure pour que nous puissions remporter ces victoires. David, qui a déjà délivré le roi, il a organisé la délivrance de tout un roi. Et tout le monde a vu qu'il fait la délivrance. Les démons sont partis. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de la tête et de l'épée de cet homme qui nous terrasse. Si tu amènes ces victoires, nous allons te donner le trône. Upanga, ukileta hiyo ushindi tutakupa kiti cha enzi. Dans 1 Samuel 17:54, Samuel wa kwanza, la Bible dit qu'il coupa la tête de Goliath avec l'épée et il ramena avec lui. Et c'est seulement à cette condition que les femmes vont crier, les femmes vont chanter que David a tué 10 000 et Saul a tué 1 000. Où sont les preuves de tes victoires? Ni wapi alama za ushindi zako? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dans Daniel chapitre 3 verset 28. Daniel 3:28. On voit le roi Nebuchadnezzar venir devant la fosse au lion. Anakuja kwenye tundu la simba. Après la délivrance de cet homme de Daniel. Kisha wokovu wa Daniel. Il dit béni soit le Dieu de Daniel. Anasema barikiwe Mungu wa Daniel. Béni soit le Dieu de Daniel. Abarikiwe Mungu wa Daniel. Mais l'exigence pour que le roi prononce reconnaisse le Dieu de Daniel, atambue Mungu wa Daniel. Il faut que Daniel, inabidi Daniel ait résisté aux menaces. Ashindane. Il a résisté aux menaces. Vitisho. Il a résisté même au lion. Alishindana na simba. Et jusqu'à ce que la délivrance de Dieu est arrivée. Mupaka wokovu wa Mungu. Il y a des victoires sur certaines choses dans ta vie pana ushindi fulani qui doivent déclencher la gloire de Dieu. Zitaleta woga. C'est pourquoi n'accepte pas de jouer. Kuna ushindi zitaleta n'accepte wokovu. Pas que la maladie te mette à genoux. Usikubali magonjwa n'accepte kushushe. Pas que le chômage te crible longtemps. Usikubali kukosa n'accepte pas que certaines situations restent longtemps. Usikubali hali parce que c'est seulement par cette victoire que certains reconnaîtront que tu as un Dieu. Même quand tu chantes bien, même quand tu adores beaucoup, Même quand tu prêches beaucoup, il y a des gens qui ne reconnaîtront jamais que tu as Dieu. Ils ont besoin d'une victoire manifeste, d'un miracle visible, et ils reconnaîtront que nous avons un Dieu. Le roi savait que Daniel avait un Dieu parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu qui va le protéger. Lorsqu'il est arrivé au niveau de la fosse, il a crié: Daniel, que ton Dieu t'a protégé. Il savait que Daniel avait un Dieu, mais il n'était pas encore prêt à le reconnaître comme son Dieu. Jusqu'à ce que ce Dieu le délivre. Il y a des gens qui te poseront la question: où est ton Dieu? Mais la saison est arrivée, le temps est arrivé où ceux qui te posaient où est ton Dieu, elles-mêmes viendront célébrer avec toi pour dire: ton Dieu, qu'il soit béni ton Dieu. Apprends-nous ton Dieu, enseigne-nous ton Dieu, parce que ce que nous avons vu dans ta vie est différent de ce que nous avons vu ailleurs. Ton Dieu a agi. C'est ce que te demande le monde. Il veut que tu viennes avec l'épreuve. L'épreuve d'un Dieu qui fait les miracles. L'épreuve d'un Dieu qui fait l'impossible. L'épreuve d'un Dieu qui délivre. L'épreuve d'un Dieu qui donne des victoires. Et pour venir avec ces preuves, ce n'est pas avec ta propre force, mais tu as besoin de venir avec une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, tu en as besoin maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les occultistes ont déjà démontré qu'ils sont capables d'aller au-delà. Ils sont capables de démontrer qu'ils sont intelligents. Ils ont démontré qu'ils sont capables de faire des choses qui étonnent. C'est pourquoi devant Moïse, ils peuvent jeter leur bâton. Ils peuvent récupérer encore les bâtons devenus serpents. Mais il faut que tu viennes avec un bâton capable d'avaler leur bâton pour qu'ils reconnaissent que ton Dieu est supérieur à leur Dieu. Il faut que tu effaces leur gloire. Et il faut que ta victoire efface leur victoire. Que ta célébrité les efface. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que ton Dieu est un Dieu. Vous savez, lorsque cet homme de Moïse a quitté la cour du roi, les sorciers sont en train de rester rêvés parce qu'il est parti avec tous les bâtons. Il est parti avec toute la gloire. Et ils ont reconnu que cet homme, il est venu avec plus puissant que nous. Alléluia. Amen. Tant que nous fuirons devant les envoyés du diable, tant que nous serons en train de végéter devant les sorciers, nous n'allons pas influencer le monde à reconnaître notre Dieu. Le temps est arrivé. Au lieu qu'un enfant de Dieu se déplace, au lieu qu'un enfant de Dieu change d'adresse parce qu'un sorcier est arrivé, le temps est arrivé où les sorciers vont déménager, où les sorciers vont laisser place aux enfants de Dieu. Ils vont dire: il y a le feu, il y a un homme qui est venu avec le feu, nous devons déménager. Alléluia. Amen. Lorsqu'on citera un sorcier dans l'assemblée, nous allons dire: venez nombreux, parce que nous avons le bâton qui va avaler votre bâton. Tu es venu avec ta sorcellerie, mais tu rentreras baptisé, parce que nous aurons avalé ton bâton, et le bâton va rester ici. Notre gloire sera supérieure à ta gloire. Alléluia. C'est ça l'exigence du monde. Le monde ne veut pas qu'on marche à la même vitesse. Pendant que nous courons derrière les voitures, derrière les maisons, ils vont nous dire: nous avons déjà les maisons. D'ailleurs, c'est nous qui les construisons. Les maçons ne sont pas nécessairement des chrétiens. Les ingénieurs ne sont pas nécessairement vos agents ou vos chrétiens. C'est nous qui les faisons. Les propriétés de toutes ces entreprises, des productions automobile ne sont pas vos gens. Si donc quand vous roulez dans une voiture, un sorcier peut se vanter et dire c'est lui qui vous l'a vendu, c'est notre argent. Donnez-nous une preuve de plus. Ce n'est pas la voiture qui est la preuve. Si gari a kikisho, la preuve de la gloire de Dieu n'est pas dans les choses ordinaires, c'est dans les choses extraordinaires. Et le monde a besoin de ces choses extraordinaires pour dire cet homme a un esprit supérieur. Il a interprété là où tout le monde a échoué. Il a réussi là où tout le monde a échoué. Nous reconnaissons qu'il a Dieu. Et pour cette raison, nous avons besoin de la transformation. Nous avons besoin de monter encore plus haut. Deuxième raison. La deuxième raison. Notre Dieu lui-même est exigeant. Notre Père est exigeant. Si le monde est exigeant pour qu'il reconnaisse nos victoires, notre Dieu est exigeant. Imaginez-vous. Avant de redonner le trône à son fils, avant de le proclamer vainqueur, il a dit, la semence doit tomber dans la terre et cette semence doit mourir. C'est seulement dans sa résurrection que la gloire va revenir. Et Christ était en train d'annoncer le processus de la crucifixion et de la mort. Dieu qui pouvait donner un trône gratuitement, il pouvait donner la gloire gratuitement à son fils, mais il dit à son fils, il doit aussi passer par là, parce que même moi, pour agréer ta gloire, je veux voir certaines preuves. Tu dois passer par l'humiliation, tu seras humilié, tu vas passer par la modestie. Tu naîtras dans une famille modeste. Voilà, tu vas être meurtri, torturé. Et à la fin, tu vas être pendu sur la croix. Nu devant tout le monde. Et ce n'est pas fini, tu vas aller même dans la tombe. On va t'enterrer comme la race humaine. C'est seulement après tout ce processus que moi je vais te récupérer et te donner tout le pouvoir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais ce n'est pas gratuit. Alléluia. Amen. Dieu, il est exigeant. Notre Père est exigeant. Baba yetu anaomba mingi. Ce n'est pas suffisant de crier devant lui. Ce n'est pas suffisant de connaître les textes sur la miséricorde. Ce n'est pas suffisant de connaître certains versets de combat spirituel. Si ya maana tu ujue ma... Mais il veut que toi aussi tu entres dans le processus. Anataka uingie katika njia. Pour qu'il reconnaisse sa victoire. Ili kwamba tambue. Pour qu'il élève ta main, il dit tu as vaincu. Ili kwamba ainue. La Bible dit que ce jour-là, ils viendront devant lui. Ils seront habillés en robe blanche. Et il les présentera devant les anges. Il dira, voici ceux qui ont vaincu. Ils ont vaincu dans la tribulation. Ils ont vaincu dans la tribulation. Voici ceux qui ont vaincu. Pour qu'il fasse ce témoignage sur toi, il faut que tu sois transformé. Ce ne sera pas gratuit. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent t'acclamer. Le pasteur peut t'acclamer. L'église peut reconnaître que tu es héros. Mais il y a un Dieu qui surveille toutes choses, qui est exigeant. Dis à la personne à côté, Dieu est exigeant. Dieu est exigeant. Dieu est exigeant. Tu n'arriveras pas dans la gloire de Dieu gratuitement. Tu n'auras pas la couronne de Dieu gratuitement. 2 Timothée 4:6-8. Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. Et j'ai reçu la couronne. J'ai été couronné. Mais il faut voir le processus de Paul. Ce n'est pas gratuit. Notre Dieu est exigeant. Rappelle à la personne à côté, notre Dieu est exigeant. La vie spirituelle est exigeante. Pose à la personne à côté, la vie spirituelle est exigeante. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. La vie spirituelle n'est pas une fête. N'est pas une célébration de tous les jours. Seuls les violents et les vaillants peuvent remporter la couronne. Alléluia. Amen. Et pour être un vaillant de Dieu, il faut subir sa transformation pour arriver à être un modèle pour Dieu. 1 Pierre chapitre 1, chapitre 1, verset 16. La Bible dit qu'il nous appelle des saints. C'est Dieu-là, il veut qu'on nous appelle des saints. Pendant que nous vivons dans le commun du mortel, il attend que quelqu'un soit appelé saint. Papa, ça c'est une exigence élevée. Pendant que moi je justifie mes fautes, pendant que je justifie mes faiblesses, lui veut qu'on m'appelle saint. C'est une exigence élevée. La barre est très haute même pour Dieu. Pendant que nous allons dire, pardonne-nous Seigneur. Nous péchons à parole. Je mets souvent la prière de raccourci de l'église de mon grand-père. Napenda sana maombi ya kifupi. Quand il priait là-bas, ya kanisa, ya tate yango. Usitazame imani yangu, tazama imani ya eklesia. Wanaposema, ne regarde pas ma foi, regarde la foi de l'église. Et bah si yo naepita hiyo. Et ça passe comme ça. Bwana unajua mawazo yangu. Tu connais mes pensées. Mawazo yangu na maneno yangu. De même que mes paroles. Na matendo yangu. Et mes actes. Bwana unisamehe. Papa, pardonne-moi. Usitazame imani yangu. Ne regarde pas ma foi. Tazama imani ya eklesia. Regarde la foi de l'église. Ça c'est le raccourci. Ça c'est le raccourci. Mais ce n'est pas évident que ça vous amène au but. Iyo aikubebe kwenye lengo. La vie chrétienne est exigeante. Maisha ya Ukristo inatuomba nyingi. Même quand il y a la foi de l'église arche. Hata kama imani ya kanisa iko. Même quand j'ai la foi de mon père. Le pasteur restaure. Dieu exige que j'ai aussi ma foi. Mungu anaomba niwe na imani. Dieu va exiger aussi ma sainteté. Anahitaji niwe mtakatifu. Même quand j'aurai les arguments pour me justifier. Hata kama nakuwa na mambo ya kujifasiria. Même quand tout le monde me croit que c'est vrai. Wakati kila mtu anajua kama ni kweli hii. Il dit, je te veux être saint. Anasema nakuhitaji uwe mtakatifu. Dis à la personne à côté, ton Dieu veut que tu sois saint. Umwambie bien, umwangalie kwa macho. Mungu anataka uwe mtakatifu. Dis à la personne à côté, ton Dieu veut que tu sois saint. Mungu anataka uwe mtakatifu. Ton Dieu veut que tu sois saint. Mungu anataka uwe mtakatifu. Hey! Avant que certains versets soient vrais, kabla verse fulani ziwe kweli, il demande la sainteté. Anaomba utakatifu. Avant que certaines promesses s'accomplissent, kabla ahadi fulani zifikie, il ne signifie pas de se rappeler de ses promesses, haiku ya maana kuzikumbuka, de se souvenir des promesses, kukumbuka ahadi za Mungu. Mais le Père veut que tu sois saint. Mungu anataka uwe mtakatifu. Papa. Hey! Baba. Les Congolais, on est en train de négocier que Dieu puisse réduire, nous délibérer sur certains péchés. Et Dieu veut que nous soyons saints. C'est compliqué, bien-aimé. C'est compliqué. Mungu anapenda tu watakatifu. Ni matata. Il y a des services compliqués, on a difficile même à expliquer au pasteur. Kuna makazi zengine ni magumu, haujui kisi ya kufasiria mchungaji. On a difficile à expliquer au pasteur. Huwezi kujua kufasiria mchungaji. Et puis on me dit d'être saint. Wana niomba niwe mtakatifu. La vie est très compliquée. Maisha ni magumu. C'est difficile même d'être honnête. Ni vigumu hata kuwa et d'être fidèle. Mwaminifu. De vivre sans mentir. Kuishi bila kudanganya. Mais il dit soyez saint. Mungu anasema uwe mtakatifu. La barre est très haute. Anatuomba mingi. Troisième raison. La tatu. Troisième raison, sababu la tatu, la mission qui nous est accordée, kazi ambayo tumepewa, c'est une mission exigeante. Ni kazi inaomba mingi. Nous avons besoin de la transformation tuahitaji kubadilika pour accomplir la mission. Kwa kutimiza kazi lile. De Corinthiens 10, verset 5. Wa Korinto wa pili kumi tano. Je vais lire. Nitasoma. De Corinthiens 10, 5 à 6. Wa Korinto wa pili kumi. Lorsque Dieu nous lâche, nous, nous, nous, nous, nous libère ou nous envoie dans le monde. Mungu anapotutuma katika ulimwengu. Il dit ceci. Anasema hivi. Attends. Nous commençons au verset 4. Verset qui a ine. Tunasoma. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons si lamba, ne nazo, sont pas charnelles, si za kimwili, mais elles sont puissantes zina nguvu, par la vertu de Dieu kwa uwezo wa Mungu, pour renverser les forteresses. Kwa kuongoza, cinquième verset, mangome. Il dit ceci. Nous renversons les raisonnements. Tunabomoa mawazo. On peut encore dire nous renversons les philosophies. Tunabomoa fikra. On peut encore dire nous renversons les systèmes établis. Tunabomoa hali zilizowekwa. Et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Na kila nguvu inosimamia ujuzi wa Mungu. Et nous amenons toute pensée. Na tunaleta kila mawazo. Captive à l'obéissance de Christ. Kwa kumtii Kristo. D'autres versions disent nous amenons à soumission. Tunaleta kwa kuketisha. Toutes philosophies. Kila fikra, toutes lois, kila sheria, toutes pensées, kila mawazo, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Kwa kupiganisha, nous avons la responsabilité tunajukumu d'arrêter les mouvements ya kusimamisha qui viennent contredire la parole de Dieu. Uwezo ya kupiganisha neno la Mungu. Nous avons la responsabilité tunajukumu de renverser ya kupiga les philosophies et théories fikra qui détruisent les bases et les fondements de la parole za de Dieu. Kupomoa misingi ya neno la Mungu. Alléluia. Amen. La mission n'est pas facile. Kazi si raisi. Ces gens ont déjà des sénateurs partout. Wale watu wana mabunge mafasi yote. Ils ont des gouvernements entiers partout. Wana ma government mafasi yote. Ils ont des députés dans le monde. Wana mabunge pali pote. En 2016, 2015, 2016. Kwa mwaka 2015-16. Ceux qui militent pour l'homosexualité. Wanaopigana kwa ajili ya ushoga. Étaient en train de célébrer. Walikuwa wakisherekea. Parce que beaucoup de synodes européens. Sababu mikutano makubwa ya Ulaya. Les synodes ce sont des associations des églises protestantes. Mikutano makubwa ya makanisa za kiporo. Ont validé l'homosexualité dans les églises. Walikubali ushoga ndani ya kanisa. Ils ont accepté que des pasteurs pouvaient être des homosexuels. Walikubali wachungaji wao waujuane kindoa wao. Et plus de 27 pays européens. Zaidi ya inchi 27 ont intégré dans leur loi za Ulaya waliweka katika sheria zao que le mariage homosexuel est légal. Ya kama ndoa za ushoga. Et celui qui s'élève ou qui s'oppose contre l'homosexualité na anayepinga ushoga il est pensible de poursuites judiciaires. Atafuatwa na sheria. Ça ce sont les lois qui sont en train de s'établir. Hizo ni sheria zinawekwa. Et nos parlements sont déjà poreux. Na mabungwe zetu zinakuwa na woga. Même dans ces pays je ne crois pas qu'on résiste à cette vague. Hata katika inchi hizi déjà la loi prévoit que ce pays est laïque. Donc ce pays n'a pas d'option philosophique en termes de croyance. Sheria inasema kwamba kila dini inakubalika. Alors que nous avons 90% ou 95% des chrétiens. Ijapokuwa asilimia makumi tisa na tano. Ces mêmes parlementaires disent. Ni wa Kristo. Wale wale wa Mungu. Wanasema hakuna dini. Ils nous poussent petit à petit. Wanatusukuma pole pole. Vers les lois de liberté. Katika masheria. Vers les lois du mariage pour tous. Za uhuru na kuoa yule unataka. Et on va promulguer une loi. Na watabeba utatangaza sheria. On va dire tous les pasteurs de la RDC. Wakisema wachungaji wote wa Kongo. Bénissez les mariages homosexuels. Mubariki ndoa za washoga. Parce qu'aujourd'hui en Europe c'est déjà promulgué. Sababu Ulaya imetangazwa. Et si tu refuses? Na kama unakata? On va te poursuivre. Wanakufuatilia. Ce sont là les philosophies qui sont à nos côtés. Hizo ni fikra zinazokuwa kando yetu. Et nous avons la responsabilité de les renverser. Tunajukumu za kuzipiga marufuku. Nous devons renverser ces philosophies. Tupige marufuku hizo mawazo. Mais nous avons combien de chrétiens dans le parlement qui sont en train de travailler pour nous? Wakristo wangapi katika bunge wanatumika juu yetu? Combien d'hommes et de femmes nous avons dans les entreprises pour arrêter le mal? Watu wangapi tulionao katika makampuni? Quand vous entrez dans les entreprises publiques, vous avez tendance d'entrer dans les camps du diable. Ndani ya makampuni za serikali ni kama jinsi unaingia katika nyumba ya shetani. Dans la république diabolique du Congo. Uko kama vile ndani ya inchi ya shetani ndani ya Congo. Vous êtes comme dans la gêne. Ni kama jinsi uko katika jehanamu. Vous vous dites je sommes où? Wajiuliza tuko wapi? Est-ce que ces gens vont à l'église? Hawa watu wanaenda kanisani? Non, il y a la philosophie et le système qui s'implantent lentement. On doit obliger toute la nation à pécher. pour que l'église soit faible. Lorsque tel a menti, il a reçu la corruption quelque part. Je suis homme d'affaires, je mentis aussi, je mentis sur les chiffres d'affaires. Je suis gestionnaire quelque part, j'ai déjà menti sur mes chiffres. Ma force spirituelle devant Dieu diminue. Même quand je crierai 7 jours de prière, je n'ai pas la même efficacité parce que je suis faible. Ce même système pousse le peuple dans la pauvreté. Quand la pauvreté va monter, la prostitution aussi sera une chose facile. Même les femmes mariées pour se sauver vont le faire parce que les enfants doivent survivre. Les jeunes filles, n'en parlons pas, sont un plat à manger, prêt à manger par le diable. Parce que le diable a mis la pauvreté partout. Et il pousse le monde vers le péché. Et ce sont ces philosophies contre lesquelles nous devons nous lever. Ce sont ces systèmes contre lesquels nous devons nous lever. Mais ils sont combien qui travaillent pour notre camp? Pour renverser ces forteresses, nous devons être préparés dans le laboratoire de Dieu. Il faut que Dieu lui-même te prépare dans son laboratoire pour que quand la pression viendra, tu ne cèdes pas, mais que tu te battes jusqu'à ce que le système tombe. Il y a beaucoup de systèmes. J'ai trouvé des systèmes presque comme des prisons à ciel ouvert. Vous arrivez dans une ville, vous ne pouvez plus bouger de là. Il y a l'insécurité dans chaque coin à 5 km de la ville. Tu ne peux pas vivre en paix. Tu es obligé de vivre dans la peur. Même quand tu veux prier, tu réduis la voix. Avant, tu chassais les démons à haute voix. Maintenant, tu les chasses à voix basse. Parce qu'on te dit, non, tu peux crier, mais ils savent que tu es là. Omba na sauti ya chini chini. Omba na utaratibu. Mungu anasikia maombi ya muroho. Mungu anasikiliaka muroho. Na isikuwe murefu. Na usikawie sana. Omba mfupi. Omba kadogo tu. Ça, ce sont des systèmes. Ce sont des systèmes. Dans certaines villes, ils interdisent même les veillées de prière. Katika miji fulani wanakataza hata makesha. Et des rassemblements de plus de 1000 personnes. Na mikutano ya watu zaidi ya 1000. C'est une menace sur l'église. Iyo ni shambulio kwa kanisa. Pendant la nuit, les sorciers vont au lac pour faire la sorcellerie sur la ville. Usiku wachawi wanakwenda kuloga mali. Et dans ces mêmes nuits, ils influencent pour que nous on ne prie pas. Na wanashawishi ili kwamba sisi tusiombe. Quel est l'objectif? Lengo ni gani? Pendant que nous serons en train de travailler, dormir. Tunapotumika sisi wachawi ninyi mulale. Comme ça on va vous égorger calmement et silencieusement. Tutawanyonga pole pole. Ce sont des systèmes. Izo ni mbinu za mitumikio. Et ça s'installe petit à petit. Na iko na uwekwa pole pole. Si vous avez échappé hier, kama epuka jana, demain ça va vous rattraper. Kesho watakukuta. Si c'est ça le monde. Kama ni iyo dunia. Devant lequel nous sommes appelés. À renverser les forteresses. Kwa kupiganisha mangome. Une mission dans laquelle c'est lui qui dit le contraire de ce qui s'est fait. Kazi ambamo yule anayesema le contraire ya mambo yanayofanyika. Il est la cible. Anawindwa. Des personnes physiquement armées. Na watu walio na sila. Et qui vous disent si vous osez continuer à parler de ces choses. Wanasema ukiongelee mambo. Pas seulement on va t'arrêter. Hautatukufunga. Mais on va arrêter ta respiration. Lakini tutafunga kusipumue tena. Parce que nous sommes capables de ça. Sababu tunaweza hiyo. C'est ça le système dans lequel nous sommes. Ni hiyo hali tunakuwa ndani. On ne trouve personne qui peut vous dire courage, vas-y. Hakuna mtu kukwambia endelea. Et Dieu nous donne cette mission. Na Mungu anatupa. Il dit nous devons renverser ce système. Jukumu la kubomboa. Nous devons renverser ces philosophies. Tuangushe hiyo mawazo. Nous devons renverser la pauvreté. Tuangushe masikini. Nous devons renverser les systèmes politiques. Tuangushe hiyo hali ya siasa. Nous devons renverser les systèmes sociaux. Hali ya ujamaa. Les systèmes de santé. Hali ya afya. Est-ce que c'est facile? Je ni rahisi. Pose la question à la personne à côté. Est-ce que c'est facile? Uliza jirani yako ni rahisi kweli? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas avec des prières ordinaires. Si na maombi kawaida. Ce n'est pas avec une foi ordinaire. Si na imani kawaida. Ce n'est pas avec une vie chrétienne légère. Si na maisha ya Ukristo que je vais m'élever contre les systèmes. Njoo utasimamia hizo mangome. Il faut qu'il y ait des hommes. Yabidi kuwe watu. Il y a des jeunes gens. Pour vijana. Qui s'élèvent. Wanaosimama. Pour dire nous voulons renverser les forteresses. Kwa kusema tutapiga marufuku. Les connaissances. Izo mawazo. Nous voulons renverser ce qui existe. Tutapiga marufuko inaokoa. Et amener un nouveau système. Na kuleta hewa mpya. Et Jésus lorsqu'il communique la prière. Na Yesu anapoomba. Il dit à ses disciples. Anambia wanafunzi. Quand vous priez dites ceci. Mukiomba semeni. Que ton règne vienne. Utukufu wako ufalme wako. Le désir de votre cœur c'est d'amener le règne de Dieu sur la terre. Acha yako ni kuleta ufalme wa mbingu duniani. Mais la terre n'est pas vide, il y a un autre règne. Ulimwengu si bure. Pour amener et imposer le règne de Dieu. Kuna utawala ulio. Il faut avoir la race de Dieu. Ili kwamba ulete utawala wa Mungu ya kubidi. Parce que le monde ne vous donnera pas la chance. Yakubidi uwe na utawala wa Mungu maana ulimwengu haitakuachilia bure tu. Alléluia. Amen. Quatrième raison. Quatrième raison. Pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle nature? Pourquoi nous avons besoin de la transformation? Parce que le monde et l'ennemi ne nous rendront pas la tâche facile. Ils ne nous laisseront pas faire. L'ennemi et le monde ne vont pas nous donner des cadeaux, ne vont pas nous donner la chose facile. Le système est placé de manière à ce que quiconque élève sa tête doit être rabaissé. Pendant que je prie, pendant que je vais relever ma tête, il y a quelqu'un d'autre qui travaille pour que je chute. Pendant que je travaille sur mon mariage, pendant que je travaille pour élever mes enfants, quelqu'un d'autre travaille pour les détruire. Pendant que je travaille pour faire bien, quelqu'un d'autre travaille dans le sens contraire. Et il y a des systèmes pour décourager tout celui qui élève sa tête, tout celui qui ose dire le contraire, on sera sûr qu'on l'a écrasé. Lorsque la corruption circule dans la boîte et tout le monde a déjà reçu sa part et on arrive sur toi, on dit non, on t'a réservé une enveloppe et puis tu dis je ne prends pas, on dit toi tu ne prends pas, hein. Wanasema wewe au kamati, tu veux nous trahir, unapenda utusaliti, tu vas voir, tutakuonesha, utaona kia mtemakuni. Le monde ne nous rendra pas les choses faciles. Ulimwengu aituache tufanye mambo kiraisi. C'est pourquoi quand vous célébrez, vous devez avoir des positions. Ndio maana mnaposhangilia na kuiva. Vous devez être protégé. Inabidi mkingwe. Même dans vos fêtes. Ndani ya sherehe zenu. C'est pourquoi à l'arche nous conseillons aux jeunes gens. Ndio maana tunashauria kwenye kanisa. Même dans les mariages. Vijana katika ndoa. N'amenez pas des choses qui vont ouvrir les brèches au diable. Usilete vitu vya kufungulia shetani njia. Parce qu'on ne sait jamais. Maana mtu ajuaki. C'est vrai, c'est la fête. Sio ni karamu. C'est la fête du diplôme. Ni karamu ya cheti. Mais nous sommes. Lakini tu des militaires qui viennent de front. Ma askari nous avons encore notre arme et notre ennemi. Même quand nous dansons, nous sommes ekenge. Tunapoomba tuko makini. Parce que l'ennemi n'est pas loin. Sababu adui simbali. L'ennemi n'est pas loin. Adui haiko mbali. N'ouvre pas la brèche parce que c'est une fête. Usifungule njia juu ni sherehe. N'ouvre pas la brèche parce que c'est un ami. Usifungule njia kwa sababu ni rafiki. Il y a même des fêtes où il faut refuser d'aller. Kuna makaramu za kukataa kuingia ndani. Ça je n'irai pas. Unasema mwaizi taenda. Je n'irai pas dans cette fête. Hapa sitafika. Je n'irai pas là-bas. Hapa sitakwenda. Je ne viendrai pas. Umu siingie. Je ne suis pas obligé d'aller partout. Auko hauwezi kwenda mahali pote. Je ne suis pas obligé. Sina jukumu. Parce que l'ennemi ne va pas me rendre la chose facile. Sababu shetani adui atanyacha. Il y a des gens qui ont perdu l'équilibre. Kuna watu wameporomoka. Parce qu'ils sont dans la célébration. Sababu walikuwa wakisherekea. Oh, la famille a dit. Jamaa lilisema. Tu vois, c'est leur fête. Ni jama, ni fa, ils ont yao. Dit. Walisema. C'est papa qui a dit. Ni baba mesema. C'est, ils ont dit. Walisema. Même si ils ont dit. Hata kama walisema. Sache. Jua. Que l'ennemi n'est pas loin. Adui haiko mbali. Dis à la personne à côté, l'ennemi n'est pas toujours loin. Ambia jirani yako, adui akwake mbali. L'ennemi n'est pas toujours loin. Adui haiko mbali. Et ne soyez pas distrait. Soyez prudents. Même dans les petites choses. Nous ne célébrons pas comme le monde. C'est pourquoi l'homme de Mardoché Mordokayo dit à Esther, anamwambia Esteri, quand tu arriveras là-bas, même quand tu seras reine, hata kama utakuwa malkia, ne fête pas la fête, ne célèbre pas la fête d'être devenu reine. Usisherekee juu umekuwa malkia. Parce que le jour où tu vas oser célébrer, siku utasherekea, on saura qui tu es et tes ennemis se lèveront. Watajua uko nani na adui watainuka. Parce qu'il faut rester discret. Sababu inabidi kujua kujikinga. Il y a des choses sur lesquelles nous devons rester discret. Kuna vitu ambamo yabidi tu. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que nous sommes ou ce que nous avons. Tu vas aller à Gisenyi et puis à Kampala. Oh non, je me prépare pour faire un voyage à l'étranger. Et tout le monde est informé. L'oncle a seulement dit non, il y a possibilité que tu viennes à étudier ici Mujomba à l'Afrique du Sud. Itawezekana ukuje South Africa et puis c'est posté sur Facebook. Mahali pote unaanza kutangaza kwenye mitandao. Et on écrit étudier en Afrique du Sud. Naanza kusema sur le profil. Karibuni atasomea South Africa. Ici, Kinyumbao a étudié en Afrique du Sud. Wangaliki Kinyumbao parce que quelqu'un t'a donné une promesse. Ya kama utakwenda kusomea Afrique du Sud. Il y a des combats que tu vas attirer inutilement. Kuna vita utashikogotea mwenyewe kwa bure. Oh, voici la photo de la voiture que j'ai commandée. Ça va venir le mercredi à 8h45. Il t'a fallu accident. Tizameni picha ya gari nitanunua itafika pasa mbili na nusu za usubuhi. Tarehe fulani. Il y a même des bébés que nous allons amener à la maison dans le calme. On appelle seulement le pasteur Muzeki qui a muombea inaisha. Kuna hata watoto watutazaa pasipo hata watu kujua jua. On n'est pas obligé de faire le fête et kobota elengi tous les jours, tout papa. Aina maana kila siku liza mpaka de utangaze utakokota vita ya bure. Dieu sait que tu as accouché. Mungu anajua kisi uliza. Tes parents savent que tu as accouché. Wazazi wanajua liza. Ça suffit. Inatosheka. Silete fujo. Et le bébé, vraiment innocemment, il commence à piquer des crises, il a des combats. Papa, maman, Johanna, hekima. Mtoto wa batu ananza kugonjwa gonjwa. Ni kwa kukosa hekima ya mama. Que Dieu nous donne la sagesse. Mungu atupe hekma. La chose n'est pas si facile. Jambo, vita si raisi. Le monde n'est pas si facile. Ulimwengu si raisi. Nous avons besoin d'être sages. Twahitaji kuwa na d'être hekma. Prudents. Tuwe wangalifu. Dans le monde. Katika dunia. Alléluia. Amen. Quelqu'un arrive, oh non, amène-moi ton modèle. Tu vois ça, je l'ai eu telle part. Mutu anafika na kwambia nipatie nguo yako nione namna gani ulishonesha. Et puis la vie est partie. Na et demain c'est une prophétie. Na kesho ni unabii. Non, il y a on a vu ton habit qui est quelque part. Jana tuliona nguo yako ilikuwa nafasi fulani. On a vu ça dans l'esprit, on est en train de travailler. Katika roho tumeona wako wanailoga. Quel est le problème? Shida ni gani? Tu n'es pas sage. Hauna hekima. Parce que tu as acheté un nouveau lit, il faut que tout le monde fasse un défilé dans la chambre. Juli nunua Dodoma inabidi kila mtu aingie kuiona. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de sagesse, même la chambre les gens viennent. Na watu wengine wana hekima mchumba yako watu wanatembea. Non, ikotu mchumba pale vile pembeni ukafika tu utaona. Uende mchumba wangu uone utajikamatia hapo. Il y a des richesses que toi-même tu vas admirer à toi et à toi seul. Kuna mautajiri zenye ni wewe peke utaziona na zina unashiba. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'exposer. Peke, usibioneshe watu. Parce que la guerre n'est pas encore finie. Mana vita haijakwisha. L'ennemi n'est pas loin. Adui si mbali. Même s'il a été vaincu. Hata kama tulimshinda. Andimaka defete. Aitikake kushindwa. Il se relève toujours pour oser. Anasimamaka na kupima. Alléluia. Amen. Dis à la personne à côté, soyez sage. Ambia le karibu nawe uwe na hekima. Soyez sage. Uwe na hekima. Gardez les secrets. Jua kulinda siri. Gardez les secrets. Linda siri. Même les secrets de l'église. Ata siri za kanisa. Il y a des gens qui les vendent dehors. Pana watu wanazibeba nje. Gardez les secrets de la maison. Linda siri za kanisa yako. Gardez les secrets de votre foyer. Siri ya unyumba wako. On ne sait jamais. Mtu ajua ki l'ennemi n'est pas loin. Adui yako mbali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière raison, sababu la mwisho, la dernière raison, peut-être Dieu faisant grâce, on va développer ça dans d'autres séances. Mungu akiruhusu tendele shaka mikutano mingine. Notre histoire nous a déformés. Historia yetu imetubadilisha. Le parcours passé a fait des déformations sur nous. Njia umepitia imekubadilisha. Au point que Nous avons besoin de la transformation. Il y a des prédications que tu n'écouteras jamais. Si Dieu n'a pas encore changé ou transformé ton intelligence, si Dieu n'a pas encore changé ta façon de réfléchir, Dieu amène le peuple d'Israël dans le désert parce qu'il y avait un problème. Ce sont des esclaves, mais qui ont la promesse des rois. Il dit, vous allez, je vous donne un territoire. Mungu anasema nawapatia. Les rois de ce territoire viendront de vous. Wafalme wa hiyo nafasi watatokana na nyinyi. Les ministres viendront de vous. Ni nyinyi mtawatosha wawaziri. Les chefs d'état major généraux viendront de vous. Majeshi makubwa nyinyi mtawaleta. Mais nous sommes nés esclaves, grandis esclaves. Nous avons été nourris comme des esclaves. Nous avons un cerveau qui est bloqué. Tumezaliwa watumwa, tunakomaa watumwa, akili yetu, fikra zote ni za utumwa. Comment nous allons gérer? Comment nous allons nous adapter? Il y a des déformations dans le parcours. Kuna kubadilishwa. Nos origines nous ont déformés. Misingi yetu imetubadilisha. D'abord, en tant que noir, je prends la peau noire. Wewe kama mtu mweusi. Même quand je suis métis, je suis noir. Hata kama wewe umezaliwa na wazazi mzungu mweusi. Nous savons nous-mêmes déjà dans notre esprit. Mukichwa yako unajua que le succès appartient aux blancs. Ya kwamba l'échec appartient au noir. Ushindi ni ya wazungu na kushindwa ni ya weusi. N'est-ce pas? Sivyo? Si on voit un blanc, on dit c'est sérieux. Kama unaona mzungu unasema huyu ni mtu mzima. Quand on voit un blanc quelque part, on dit non, ça va être sérieux, ça doit être sérieux. Kama unaona mzungu unasema vitu vitakuwa mzuri hapa. Mais quand on voit un noir, on dit ah, chabile. Ukiona mweusi unasema habitafika fasi vile. C'est déjà une déformation. Iyo ni shida mkichwa. Même quand je vous parle du succès et de réussite, ninapoongelea ushindi na kufaulu, quelqu'un dans sa tête est en train de penser à un emploi dans une ONG quelque part. Mtu mkichwa yake anawaza je nitapata kazi. C'est difficile que tu penses que c'est toi qui vas être le projet PDG de mining. Ni vigumu ujue comme useme mimi ndio nitakuwa mwenye kampuni mining. Parce que le mining c'est pour le blanc. Maana hiyo kampuni kubwa ni wazungu ndio wanaongoza. C'est un problème. Iyo ni shida. Déjà la race nous piège. Mwili wetu mweusi inakuwa. C'est pourquoi je peux fuir le Congo avec toutes ses richesses. Ndio maana nakimbia Congo na utajiri wake wote. Et je vais mourir dans la mer Rouge. Naenda kufa katika ma. Parce que je suis en train de fuir pour l'Europe. Sababu niko nakimbilia Ulaya. Et la richesse qui va me nourrir en Europe va venir de là où je viens. Na utajiri yenye itanisaidia Ulaya inatokea kule kule natoka. Le problème c'est que la déformation qui est dans la tête. Shida ni kwamba ile ubovu ndani ya kichwa. Omadike poto sokio komi. Wameshanyambia Ulaya ukafika tu. Obiki. Unakanyaga tu na unapona. C'est vrai, on n'a pas besoin, il y a pas de démons. Hakuna mapepo hapo. Ce n'est pas des liens de famille. Haiko vifungo vya jamaa. Peut-être il faut appeler ça les liens de la race. Bifungo vya bizazi vya Afrika. Hapana. Et toutes ces déformations nous mettent en porte à faux par rapport même au message biblique. Na hiyo mafundisho mabaya inafanya kwamba hata kibiblia tusielewe mambo vizuri. Le système éducatif qu'on nous a donné. Hali ya madibisho tumepokea. C'est un système qui nous prépare à être des esclaves. Imetuandaa kuwa watumwa. J'étais en train de discuter avec quelques jeunes. Niliongea na vijana fulani. J'ai dit dans toutes les villes où je suis passé en RDC. Ndani ya miji yote nimetembelea katika. J'ai fait un constat, je ne sais pas si c'est moi qui vois mal ou qui vois bien. Nimetambua sijui kama naona vizuri. Je me suis rendu compte. Nimetambua kwamba. Que les personnes qui semblent avoir réussi. Watu ambao wameonekana kama wamefaulu. Avec de grands immeubles. Na majengo makubwa. Des grandes stations. Wanakuwa na ma station makubwa. Ce sont pour la plupart des gens qui n'ont pas fait de hautes études. Wengi ni wale ambao hawakusoma sana. Va D6, va deuxième primaire. Waliishia école primaire. Mais ceux qui ont fait de hautes études. Wale wenye macheti makubwa. Français belé mais préfet ko wapi? Wanaongea ongea mais hakuna vitu. J'ai l'honneur, oh j'ai l'honneur. Nina heshima, nina fursa. Oh y a la guerre. Vita iko. Est-ce que la guerre est seulement pour ceux qui ont étudié? Vita ni kwa wale tu wenye wamesoma. C'est aussi pour ceux qui n'ont pas étudié. Ni kwa wale ambao wakusoma vile vile. Ceux qui construisent jour et nuit. Wanaojenga usiku na mchana. C'est pour la plupart des gens qui n'ont pas beaucoup de philosophie. Ni watu ambao hawawazaki mingi mingi. Les jeunes gens qui sont inactifs, qui attendent que la grâce tombe du ciel. Pour la plupart, ce sont des intellectuels. Vijana wanaochunga neema yanguke, wengi wao ni wenye wamesoma sana. Pendant ce temps, vous rencontrez un jeune, hier il était motard, et puis il dit, bon, grand, nisha uzayaka kare. Tu trouveras un jeune qui hier était motard, aujourd'hui te dit non, je t'ai l'initiative, il se débrouille, il est actif. Et il est quelqu'un qui est là avec son gros diplôme. Vous ne m'avez pas fait la bouille du matin. Et c'est avec cette génération que nous marchons. Et dans l'église, au nom de Jésus, que les démons sautent. Dans l'église, tu attaques, tu arraches. Tu penses que ces gens qui n'ont pas étudié ne voient pas les démons aussi? Ils voient les démons. Les démons ne sont pas seulement contre les diplômes. Il y a un problème là-bas. Pasteur, ça la miracle. Mchungaji, fanya muujiza. Libérez onction. Achilia upako. Tomona nzambe na yo. Tuone Mungu wako. Quand tu pries pour un homme ordinaire, il revient demain, il dit, j'ai déjà fait ça. Ukiombea mtu kawaida, anarudia kesho na sema, nisha fanya hii. Et tu dis que Dieu te bénisse. Unasema Mungu akubariki. Mais un type là qui a beaucoup étudié, il t'explique des choses, tu vois, je suis arrivé à l'interview et au final, le test final, il y a papa, benzako bakwenda ku test, mbona bako na réussir. Amen. Laisse beaucoup de philosophie. Qui vous a dit que c'est le diplôme la seule preuve de succès? Regardez la liste des milliardaires du monde. Vous avez de l'internet dans vos téléphones. Lisez les bibliographies des grands milliardaires. Dégagez combien ont des doctorats. Je vous lance un défi. Si vous savez, ma téléphone est mon wangapi wana ma PhD. Ce sont des gens ordinaires, ils ramassaient l'immondice, et puis ils ont fait la face fulani, il a ouvert une toilette, et puis du coup, on est milliardaire. Ce sont des gens qui ont commencé par des petites initiatives. Et puis on dit, bon, l'expert aux finances, c'est un professeur de l'Université de Californie. Le chargé des relations publiques, il a étudié à l'université de Washington. Donc maintenant, ces gens-là viennent pour les servir. Je me dis, est-ce que la science est venue nous détruire? Le type de science qu'on nous a donné nous déforme. Et nous ne savons pas voir les autres opportunités. C'est pourquoi tous les gens qui sont dans les loges, beaucoup de gens qui sont dans les loges, les loges mystiques et scientifiques, sont des intellectuels. Parce qu'ils pensent que la sorcellerie fera gagner. Mana wanazani kwamba ni uchawi ndio itafanya kwamba wafaulu. Même quand ils deviennent Rosicruciens. Na hata kama wanakuwa wa Rosicruciens. Même quand ils sont Freemasons. Wanakuwa ma Freemason. Réalisation chini. Manafanya vitu bure bure. Il prend la sorcellerie pour intimider les étudiants. Anakamata uchawi ndio kuogopesha wanafunzi. Il dit vraiment, c'est ça la finalité. Sasa injo mwisho. Donc tu vas ton âme pour intimider quelques petits enfants devant toi. Unozisha nafsi yako juu utishe tu watoto. Et puis des enfants de Jean 1, 18 à 19. Batoto ya batu ya Jean 1. C'est la bassesse. Hiyo ni upumbafu. Cette science nous a créé une dépendance psychologique. J'ai travaillé avec un ami quelque part. Et on était en train de travailler sur beaucoup de... On travaillait sur le plaidoyer, advocacy et toutes ces choses-là dans les ONG pour la mobilisation des financements. Et à un moment, il disait, tu sais, frère, ces blancs sont en train de nous apprendre ces choses. Mais ils nous rendent plutôt des mendiants professionnels. Ça veut dire, les autres sont sur la rue, mais nous nous apprenons comment mendier, mais professionnellement et proprement. Anasema, awa wazungu wanatufanya kwamba tuwe wakulomba lomba wenye kutumika. Wafanya kazi ukalomba lomba. Et vous envoyez les documents plusieurs fois. Unatuma ma document mara nyingi. Vous êtes suspendu sur le projet. Na unabaki hapo kitu chunga. Tulituma projet Londres. Tulituma muradi Bulaya. Balisema bata répondre dans deux semaines. Vraiment ikafika tutakuwa bien. Wakajibu tutakuwa mzuri. Tutarespire. Kama abajibu. Kama abajibu unakauka. Et il y a même des universités qui font de publicité comme ça. Il faut suivre ça même parfois à la radio. Nous formons des techniciens de développement qui vont travailler dans les ONG internationales. Ils vont concevoir les projets. Ça veut dire, nous formons des mendiants professionnels. Et tout le monde est là. Ce sont des déformations qui viennent avec la science. Et nous sommes victimes. Et quelqu'un qui réussit dans ça, il dit j'ai réussi. Mais c'est lui qui a conçu le système et il dit on t'a eu. C'est pourquoi beaucoup de professeurs d'université, parfois quand je vois dans nos gouvernements, je n'ai pas des gouvernements africains, hein, je les vois derrière des chefs d'État, des ministres, je dis ces gens ils font quoi ici? Ils ne sont pas capables de voir que la route n'est pas bonne. Nous on n'a pas besoin de ces Français. Oh, macroéconomique, stabilité de papa. Tout il y a barabara, tout le lazima macroéconomique. Usi onge onge mingi, we tia balabala. Est-ce qu'il est nombre français? Na utulipe salaire. Et vous allez faire 5 ans dans ça, il est là. Et il dit, bon, voilà, on a fait une diplomatie. On a fait... Papa, fanya kitu tuone ishi. Utamaliza miaka tano uko kwenye kiti, ukisema mambo, mambo, kuliko kufanya bitu. Voilà. Donc, il y a plusieurs déformations, mais on s'arrête même là. Tunaweza kusimamia hata hapa. Il y a plusieurs sources de déformations. Kuna chemchem za mabadiliko qui relèvent même un grand défi pour les hommes de Dieu. Zinazokuwa tatatizo vous enseignez aux gens, ils vous regardent. Munafunza watu wanawatizama. Mais la déformation, c'est un filtre entre lui et sa destinée. Lakini hiyo kubadilika vibaya. Il a déjà bloqué dans sa tête. Imefungwa ndani ya kichwa chake. Il est noir, il va pas t'écouter parce que cette parole peut-être elle est adressée à un blanc. Yeye ni mweusi asikie maana sawa ni neno. Quand je dis créer des entreprises. Anasema muunde makampuni. Eh basi umbe za mingi tutapata kazi. Batundie hazo kabisa tukue engagé. Et c'est un problème. Shida hii. Dieu cherche celui qui va créer l'entreprise. Mungu anatafuta mtu mtaunda kampuni. Et devant lui, il y a quelqu'un qui attend que l'autre crée pour que lui travaille. Na mwingine anachunga mwingine aunde pour que yeye atumike. Oh, je suis spécialiste en finance et comptabilité des entreprises. Mimi najua mambo ya pesa. Sois spécialiste en création des entreprises comme ça amène nous l'entreprise. Uwe yule anayejua kuunda makampuni usaidie wengine. Comme ça tu kuone ututoshe kwa taabu. Uwe njoo tuokoe. Nous voulons avoir des dîmes de PDG ici. Tu n'étais quoi dans ma dîme, zaba PDG à pas. Pas de dîmes avant de sortir. On a engagé 20 fois, mais il t'agit qu'au 50 000. A pas n'ayons ma dîme, il y a une panne ou qui waza, il t'agit ni kubo sana. Moi, je n'accosse à Mungu, moi, je kesho na tubu. On a ishu ki tubu, juu ma itaji zinapita kiasi. Ma itaji di mengi basi, comprendre i mwezi basi. Atana wepeki. Il y a des gens qui ne badinent pas sur ce point-là. Il y a certaines personnes qui ne combattent pas pour ces défis. Déformation. Et des messages comme ça, on peut finir la conversation. Quelqu'un n'a rien pigé. Et il vient dire au pasteur, il est si que tu le crois, Naomba, il le crois me déposer dossier par le mais na kesho anenda mubiru wa mchungaji sema niombe nilidepose dossier abaya nita ma ili vyote hapa hakuna kile kiliingia tu sasa tu na rien compris au kusikia hata kitu. Hey, la transformation là ça touche beaucoup de niveaux. Inagusa viwango vingi mabadiliko. Que Dieu nous aide parce que le temps avance. Mungu atusaidie. Mais il y a plusieurs dimensions de déformation. Kuna viwango vingi qui nous empêchent même d'entrer dans la promesse déjà établie par Dieu. Vimetufanya kwamba tusiingie. Même un boulevard déjà tracé par Dieu, nous sommes incapables d'avancer. Atuwezi kuingia pale ambapo Mungu ameandaa tayari. Parce que tokoma déforma partout, même dans les regards, dans les oreilles, dans papa. Je suis en couleur bleue, tu vois rouge. Donc tu es déformé dans beaucoup de choses. Même quand l'homme de Dieu proclame, tu le regardes comme ça parce que tu ne comprends rien. Umesha changanikiwa kiakili. Hakuna kionona sawa sawa. Que Dieu aide son église. Mungu asaidie kanisa lake. Oh, alléluia. Nous allons accueillir notre papa, on acclame le Seigneur. Tunamkaribisha baba yetu tukichapa makofi na vigelegele.